Six mois s'étaient écoulés depuis ce terrible soir où Nastassia Philipovna, jetant un défi au monde entier, était partie avec Parfen Rogojine. Et moi, qu'avais-je fait pendant tout ce temps? Je n'en sais rien. Je me levais, je sortais, je faisais des démarches pour entrer en possession de mon héritage miraculeux. Rentré chez moi, je m'allongeais, je revoyais Nastassia Philipovna abandonnant sa maison. Derrière elle marchait Parfen Rogojine. Mais cette évocation ne me faisait pas trop souffrir, d'ailleurs. Rien ne me faisait vraiment souffrir à cette époque. J'étais plutôt un spectateur, un témoin de ma vie, face à face avec moi-même. Je sombrais dans une sorte d'inconscience. C'était un peu comme si je me mouvais dans un espace dématérialisé et peuplé d'ombre. Puis un jour, je revins à Saint-Pétersbourg et je me mis à parcourir ces rues avec fièvre. Tout à coup, je m'arrêtai brusquement devant une maison. C'était une grosse bâtisse sombre, à trois étages, sans aucun style. Je m'approchai et je lus avec étonnement sur le fronton l'inscription « Maison appartenant au marchand de la première guilde, Rogojine ». Je poussai la porte. Deux minutes plus tard, je pénétrai chez Parfen Rogojine. Te revoilà, prince. Quel diable t'amène ? Il me semble que je vous dérange, Rogojine. Dans ce cas, je m'en vais. Non, non. Entre, je t'en prie. Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Rogojine, dites-moi franchement. Saviez-vous que je devais venir à Saint-Pétersbourg ? Oui, je pensais bien que tu finirais par revenir à Saint-Pétersbourg. Je ne me trompais pas, tu vois. Mais pouvais-je deviner que ce serait aujourd'hui? Pourquoi me demandes-tu cela? Parce que, tantôt en descendant du train, j'ai vu ces yeux avec lesquels vous m'épiez. Ah. Et à qui étaient ces yeux, prince? Je ne sais pas. Je me trouvais dans la foule. Peut-être me suis-je trompé. Je suis de nouveau sujet aux hallucinations et je me sens dans le même état qu'il y a 5 ans quand j'avais des attaques d'épilepsie. Tu vois, ça devait être une hallucination. Le sourire qui errait sur les lèvres de Rogojine ne lui allait point. Il y avait quelque chose de brisé et d'amer dans ce sourire que Rogojine, en dépit de tous ses efforts, n'arrivait pas à recomposer. Alors, tu repars pour l'étranger? Je ne sais pas. Vous vous êtes définitivement installé ici? Oui, j'y suis chez moi. Où veux-tu que j'aille? En effet, votre place est ici. Cette bâtisse morne, sans lumière et laide, où ont vécu et sont morts tous les Rogojine. Il y a longtemps que nous nous sommes vus, prince. J'ai entendu des choses étranges sur ton compte. Moi également à votre sujet. Il paraît que vous avez chassé toute votre bande et que vous avez cessé de boire. On raconte tant de choses sur chacun de nous. C'est ici que vous allez fêter votre mariage? Ici même, prince. Vous mariez-vous bientôt? Cela ne dépend pas de moi, tu le sais, mais de Nastassia Philipovna. Écoutez, Rogojine, vous savez que je ne suis pas votre ennemi. Je le sais, Slamnav. J'aurais préféré que tu le sois. Je ne suis pas votre ennemi et je ne veux pas vous contrarier. Cependant, je vais vous rappeler des choses que vous n'aimerez certainement pas entendre. Dis toujours. Je ne vous ai pas gêné lorsque vous prépariez votre mariage à Moscou. Très juste. Tu ne t'es pas mis en travers. Et pourtant, Nastassia Philipovna s'est réfugiée chez moi, au dernier moment, alors qu'elle était déjà devant l'hôtel. Elle m'a supplié de la sauver de vous. N'empêche qu'ensuite, elle t'a abandonné. C'est exact. Vous avez réussi à découvrir où elle s'était cachée, mais encore une fois, elle s'est enfuie. Ne dites pas non. Lebedev, le tchinovnik, me l'a écrit. Ah, il t'a écrit cette larve. Mais où veux-tu en venir, prince? Il m'a également écrit qu'à présent, Elle habite ici, chez votre mère. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Je veux essayer de la persuader de se rendre à l'étranger pour se soigner. Car elle est malade de corps et d'esprit, surtout d'esprit, Rokujin. Et bien entendu, tu l'accompagneras à l'étranger. Mais non, non, j'organiserai seulement son voyage. Mais s'il est vrai que vous avez de nouveau décidé de vous marier, je ne me montrerai pas à Nastassia Philipovna et je ne viendrai plus chez vous. Tant pis si... Poursuis, prince. Il ne faut jamais s'arrêter en chemin. Le vieux Rokujin, mon père le disait, le vieux Rokujin était un sage dans son genre. Qu'en penses-tu, prince ? Je n'en pense rien, je n'ai pas connu votre père. Écoutez, Rokujin, je ne vous ai jamais caché mon opinion sur vos relations. Et j'ai toujours dit que le mariage de Nastassia Philipovna avec vous serait sa perte. Tu t'inquiètes de sa perte ? Mais tu te moques de la mienne, hein ? Non, non, je ne m'en moque pas, loin de là. Je pense que vous vous perdrez peut-être encore plus vite qu'elle. Et c'est sans doute pour cela que tu veux que nous nous séparions de nouveau. Réponds, prince. Et ne mens pas, s'il te plaît. Je vois que vous me soupçonnez de quelque perfidie. Peut-être bien, prince. Cependant, vous savez parfaitement que jamais je n'ai été pour vous un vrai rival. Pas même lorsqu'elle s'est réfugiée chez moi. Maintenant, vous riez. Mais pourquoi, je vous prie ? Je ris parce que je pense à ce que tu m'as dit jadis. Je ne l'aime pas d'amour. Mais c'est vrai, Rokujin. Je vous assure que le sentiment... Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Oui, jadis, tu m'as dit... Rokujin, je n'aime pas Nastassia Philipovna d'amour. Je l'aime parce que j'ai pitié. C'est encore vrai, Rokujin. J'ai pitié de Nastassia Philipovna. Mais j'ai pitié également de vous. Oh, je n'ai que faire de ta pitié, prince. Je crache sur elle, si tu veux le savoir. Je ne plains personne. Et je ne veux pas qu'on gémisse sur mon sort non plus. Vous riez de nouveau, Rokujin. Je n'aime pas votre rire. Et moi ? Tu penses que je l'aime, mon rire ? Je ne l'aime pas. Je ris jaune, prince. Mais revenons à Nastassia Philipovna. Tu prétends que tu ne l'aimes pas d'amour. Toutes ces subtilités, toutes ces nuances ne me disent rien qui vaille. Que m'importe de quelle façon tu l'aimes. L'essentiel, c'est que tu l'aimes. Et le jour où elle t'aimera aussi, que deviendrai-je ? Permettez, Rokujin. Je ne permets rien, prince. Écoute-moi plutôt. Je te disais, et le jour où elle t'aimera à son tour, que deviendrai-je ? Je me perdrai. C'est cela que tu veux, prince ? Je vois que vous n'avez décidément pas confiance en moi, Rokujin. Et tout ce que je pourrais encore faire ou dire... Ce sera peine perdue, je le crains fort, prince. Bien. Alors, je m'en vais, Rokujin. Et je ne reviendrai plus jamais. Non ! Non, ne t'en va pas. Reste avec moi, prince. Oh. J'ai tant besoin de toi, si tu savais. Reste. Si, reste. Ne me laisse pas seul avec moi-même. Oh, je t'en supplie. Reste. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, et Marcel Bozuffi, Parfen Rokujin. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.